s'endormait, le ciel avait rougi. Demain elle s'en allait. Et l'été nous prêtait une dernière nuit. Demain tout s'effaçait. Puis le matin venu, alors elle s'est enfuie, pieds nus sur les galets. J'ai regardé la mer comme si j'avais compris qu'elle partait à jamais. Et depuis je crie son nom, c'était comme un rêve. Mais le sable est menteur. J'ai parcouru la dune une dernière fois, mais le sable est tricheur. Et je comprends ces femmes qui attendent.